Bienvenue au 24e épisode du podcast des mots. Le podcast des mots vous est présenté par les mots. Vous venez d'entendre la musique Good for Nothing Safety créée par Twin Musicom, dont vous pouvez découvrir les créations au twinmusicom.org. Vous pouvez nous suivre au lepodcastdanou.blogspot.ca, discuter sur le forum lepodcastdanou.probb.fr et nous rejoindre par email au lepodcastdanou@modmail.com. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, même. Aujourd'hui, je vais parler de Konosuba, une série animée de 2 saisons de 10 épisodes, plus un pour la vidéo pour chacune des saisons. C'est basiquement une parodie de Isekai. Comme dans plusieurs séries de ce type, le personnage principal meurt et se retrouve réincarné dans un autre monde qui fait style RPG. Mais ça commence déjà dans le gag, avec une mort totalement ridicule, un héros neat, et quand la déesse qui l'envoie dans l'autre monde lui propose d'avoir un pouvoir spécial comme récompense, sous l'émotion, il veut qu'elle l'accompagne. L'humour de la série vient surtout des personnages cinglés qui suivent notre héros. Mais il y a aussi que les choses dans ce monde ne se passent pas aussi bien qu'on pourrait l'imaginer. Vont se joindre à notre Neat et notre déesse stupide, une puissante magicienne qui ne peut faire qu'un puissant sorcelage de destruction, ce qui l'épuise pour la journée, et une femme chevalier, incapable de réussir ses attaques, ne servant qu'à la défense, ce qu'elle aime, puisqu'elle est très masochiste. Le fait que le héros soit un Neat ne le rend pas plus sympathique du public otaku, contrairement à d'autres productions, car il se révèle un pervers fini. La série est épisodique. On ne la suit pas pour l'intrigue, mais pour les gags. L'animation est minimaliste, mais fait le travail. Les designs sont colorés et la musique correcte. Une série fort amusante, à laquelle je donne une note de 3 sur 5. À la prochaine.